Chapitre 18. Tout le village, le dernier jour, était au couvent. Puis, dans l'après-midi, vinrent des gens d'autres villages, et des gens de la ville, en foule, qui emplit les chambres, les corridors et les cours. Le prieur accueillit la multitude. Il n'avait plus l'esprit tatillant ni la fierté prophétique des premiers jours. Il atteignait sans accident au bout du programme, et comptait que tout irait bien jusqu'à la minute, après quoi l'éternité règne. Il éprouvait un sentiment de débarras ou de moindre souci, à se dire que son gouvernement pouvait sans reproche délaisser le temporel. Pour quelques heures, les gens se nourriraient ou jeûneraient. S'ils ne mangeaient pas à leur faim, beau dommage. Il suffisait d'organiser congrûment la spiritualité du dernier jour, les offices, les chants, la méditation. Ce fut où le prieur ne manqua ni de méthode ni d'un zèle excellent. Pour contenir toute la foule, l'église n'était point assez large. On laissa ouverts les battants de la porte, et des dizaines d'hommes et de femmes, dehors, tournés vers l'autel qui resplendissait de lumière, étaient à genoux, priaient, répondaient à l'invocation des officiants. Qui aurait vu de quelque hauteur l'église et le parvis, eût imaginé que l'église préfigurait le ciel et le parvis, la terre en posture d'aller au ciel. Les cantiques retentissaient dans l'église, et avaient dehors une espèce d'écho analogue aux répercussions proches ou lointaines de l'orage. Le splendide vacarme s'atténue, s'éparpille et se dilue en médiocre et vague sonorité, indigne du thème une fois posé, qu'elles rabâchent et ne font plus que balbutier. Dans l'église, il n'était chanteur ou chanteuse qui ne voulut clamer plus fort pour que Dieu l'entendît. Le frère Siméon, par humilité, par charité aussi, était dehors. Il chantait avec peu de voix, et il priait. Mais il pensait à Michel qui secondait la prière des femmes. Il pensait à son verger du couvent, qui ne fleurirait plus. Il pensait à sa jeunesse aventureuse, à toute sa vie. Et il pensait à la création, qui certes ne doit pas offusquer à nos yeux humains le Créateur, mais qui était jolie, variée, jeune tous les ans, et qui allait bientôt périr. Il la regrettait, et il disait à Dieu, « Seigneur, étant votre créature, j'aimais la création. Si je l'ai trop aimée, vous l'aviez aussi faite bien aimable. » Quand le soir tomba, le frère Siméon dit adieu à la lumière du jour, et se souvint de l'avoir aimé, en effet comme un ange, au souriant visage et habillé d'une blanche robe. Il lui sembla que cet ange quittait la terre, et au-delà du ciel, que nous voyons, gagnait à grands coups d'aile l'autre ciel, où luisaient les hypostases dans l'éternité. Le heurte entre chien et loup fut extrêmement alarmante. Les parcelles de l'ombre qui tombaient comme une pluie menue et pénétrante, promenèrent ou répandirent une tristesse et un froid dont les âmes touchées tremblèrent. Il y eut parmi la foule des plaintes, des gémissements puérils, un chagrin vague, puis un frisson de peur, un mouvement de houle vers l'église. À la nuit close, et tandis que brillait dans l'église la flamme des lampes et des veilleuses, la foule du dehors, plus séparée, comme éloignée par le contraste que faisait avec l'illumination l'obscurité, se détendit, se relâcha. Et des causeries s'engagèrent. Un vieillard disait à un jeune homme « Je n'étais pas du tout prêt à mourir, je l'avoue. J'ai toujours eu, et maintenant même, une curiosité qui m'a dispensé de trouver la vie ennuyeuse, une frivolité qui m'a préservé de l'ennui. Or, faute d'ennui, l'on vit à peine. L'on ne s'aperçoit guère du passage des années, l'on ne vieillit pas. Je suis trop jeune pour le trépas. Quel âge avez-vous ? Lui demanda le jeune homme. 80 ans, mais ce n'est rien. » Le frère Siméon sourit au vieillard et lui dit « Dépêchez-vous de vous ennuyer, l'heure avance. » Il y eut des groupes un peu dissipés, où l'on bavarda. C'est que la nuit, l'on a peur du silence. Le frère Siméon se disait « Un cabaretier qui ouvrirait son échoppe à 7 heures verrait toute une clientèle de moribonds distraits affluer. » Il fit le tour de la multitude, comme un bon chien de berger, le tour d'un troupeau qui s'égaille. Mais il ne donna du gosier ni ne dépensa de rudesse. Il murmurait seulement « L'heure avance, et les ouailles étaient dociles. Mais à la longue, l'impatience devint plus difficile à contenir. Une étrange dissipation, la plus inopportune, se produisit. Et quelque absurdité! Un homme dit, « 2 mois de plus, j'étais cornard, sauvé, sauvé !» Il éclatait d'une joie ridicule et monstrueuse. Il faisait la nique à l'objet de ses vives appréhensions, maintenant dépassées. On le tarabusta, on lui demanda, « C'est donc pour toi la fin du monde ?» Il répétait avec une extrême fureur de sécurité. « Sauvé, sauvé, merci, mon Dieu !» La petite épouse pleurait de honte, et, qui sait, de dépit. Vers l'heure de minuit, quelqu'un s'écria. j'entends les trompettes du ciel. » Une clameur d'épouvante qui s'éleva de la foule empêcha de contrôler ce dire. Des gens crièrent « Écoutez, silence, écoutez donc !» Pour obtenir le silence, ils augmentaient le vacarme, de sorte qu'il fut impossible de savoir si les trompettes avaient retenti dans les profondeurs du ciel. On ne le sut pas, mais on le crut. Alors, pris de scrupules et de hâte, les pêcheurs, qui n'avaient plus le temps de chercher un prêtre pour lui confesser leurs fautes récentes, se mirent à les déclarer tout haut. Dans cette foule en désarroi, l'usage ancien de la confession publique tenta les consciences tourmentées. Ce fut un immense aveu, une indiscrète proclamation de méfaits, crimes ou peccadilles. Les dupeurs racontaient à leurs victimes les stratagèmes de la duperie. Les larrons se dénonçaient aux magistrats. Les femmes infidèles montraient à leur mari leur faible cœur embaumé de concupiscence. Mais la demande du châtiment n'obtenait que le pardon, vil cadeau de l'indifférence. « Dieu vous remette vos péchés, » disait le frère Siméon à maint pécheur qui l'abordait, contrit et pourtant animé d'une émulation telle que le repentir allait à une bousculade. Il eut grand-peine à se dégager. Il se faufila, entra dans l'église et, à son instigation, le prieur vint sur le porche donner l'absolution commune. Après cela, le calme se rétablit. Crainte de péché une fois obtenue l'absolution. La foule se tint comme endimanchée d'innocence. « Pauvre petit, » songeait le frère Siméon, « la mort est une épreuve un peu rude pour votre faiblesse. » Et il eut pitié de cette foule, maintenant sage et courbée sous la menace de la délivrance. Un peu plus tard, et quant à l'évaluation des uns et des autres, approcha l'instant suprême, les voix qui chantaient mollirent peu à peu. Un frémissement de panique passa, mais on ne bougeait pas de la place où l'on était agenouillé. Les plus vaillants continuaient de dérouler l'ample prière. Enfin gagna, comme la fatigue, le besoin de recueillement, ou le besoin d'un silence, qui est ce que nous avons qui ressemble le plus à la méditation. Et l'on se tut. L'angoisse étreignit les âmes vulgaires. Un petit nombre d'âmes privilégiées s'épanouirent dans l'extase. On entendit l'appel des trompettes, et le temps voletait avec des ailes si lourdes que les oiseaux, qui ont les plumes mouillées de pluie ou de neige, sont moins lents. On attendit les tonnerres et les désastres. Et le temps n'était pas immobile, comme un oiseau qui n'en peut plus et qui se pose à l'angle d'un toit. Le temps n'était-il pas mort avant le monde? Un coq chanta, et le frère Siméon rit à part lui de cet imbécile mal informé qui annonçait une aurore de néant. Mais un autre coq répondit, et puis toute la campagne environnante fut peuplée de tels couplets d'aurore. Et puis enfin, dans l'obscurité du ciel, une raie blanche et bleue attesta que naissait le jour. Et naquit avec le jour, en l'honneur du jour qu'on n'attendait pas, un Alléluia pour les matines de la terre.